Ici, je veux aller aussi loin avec vous que peut aller la parole intime. Il y a des choses qu'on ne dit qu'une fois dans la vie, mais il faut qu'elles aient été dites. Sans cela, vous ne comprendriez pas suffisamment vous-même la toute-puissance du sentiment littéraire sur la vie de l'homme public et sur le cœur de l'homme privé. Loin de moi donc, les timidités de parole. J'ouvre ici mon âme jusque dans ses derniers replis. La bienséance des écrivains pusillanimes ne découvre jamais ces nudités de l'âme en public. Mais le cœur gonflé d'amertume soulève sur les plus mâles poitrines ses veines bandelettes par une impudeur de sincérité plus chaste au fond que les fausses pudeurs de convention. Si le Laocoon, se torturant dans le marbre, sous les nœuds redoublés du serpent, n'était pas nu, verrait-on ses tortures? Quand le cœur se brise, ne fait-il pas éclater la veine? Sous de nombreuses apparences, ma vie n'est pas faite pour inspirer l'envie. Je dirais plus, elle est finie. Je ne vis pas, je survis. De tous ces hommes multiples qui vécurent en moi, à un certain degré, hommes de sentiment, hommes de poésie, hommes de tribune, hommes d'action, rien n'existe plus de moi que l'homme littéraire. L'homme littéraire, lui-même, n'est pas heureux. Les années ne me pèsent pas encore, mais elles me comptent. Je porte plus péniblement le poids de mon cœur que celui des années. Ces années, comme les fantômes de Macbeth, passant leurs mains par-dessus mon épaule, me montrent du doigt non des couronnes, mais un sépulcre, et plût à Dieu que j'y fusse déjà couché.